balance pour plaire. Mais aujourd'hui, c'est vous qui me tenez debout. Parfois, je parle dans le vide, juste un clavier, un fil, un peu de rage timide. Mais y'a vos voix, vos petits rires au fond, comme si l'écran devenait maison. Y'a des soirs, je suis plus rien, puis je vous lis et ça fait du bien. On construit rien de concret peut-être, mais je crois qu'on tient un monde honnête. C'est pas un show, c'est pas un rôle, c'est un feu dans le noir qu'on contrôle. Quand je doute, vous me faites signe et je repars dans la ligne. C'est vous qui me faites vibrer, même quand je suis à bout d'idées. On aurait rien, mais ça compte, chaque présent, chaque onde. On t'écoute. On est là. Continue. Je fais ça pour vous, mes chèques, je le dois à vous. Je vais pas dropper des leçons. Je livre des frissons, des petits bouts d'émotions. Des musiques, des raids, des fous rires et des silences qu'on remplit de souvenirs. C'est pas le nombre, c'est l'écho. Pas les chiffres, mais vos mots. Et tant que je vous sens juste là, je clique pas sur stop, pas ce soir-là. Confie, qu'on partage sans se dire. Ce lien qu'aucun écran peut trahir. Je vous le dois, je vous le rends sans le dire. Rider's Kill, c'est vous qui me faites y croire. J'ai pas besoin de projecteur. J'ai juste besoin de vous sentir là.